suis le sale caractère. J'ouvre ma grande gueule quand il vaudrait mieux se taire. Je suis un gros rageur, celui qu'on surnomme mais l'éternel insatisfait. Tu te plains tous les jours, apparemment y'a que ça qui se fait. Démarre au quart de tour et pète de grosses crises de nerfs. Difficile d'extirper un sourire à ta tête de mort, mauvais caractère. Qui reflète l'adolescence, petit déjeuner avec une barrette et un bol d'essence. Tu cries, tu te bats, y'a les flics, tu te barres. Je crois que t'as tout compris, tu comprendras plus tard. Petit frère, le mauvais caractère n'est souvent qu'une apparence. Une épaisse couverture pour masquer la transparence. Tu préfères être craint qu'être aimé. Ceci explique tes mernas et tes cliniques. Mon sale tempérament, mes parents l'ont vu dès la clinique. Mais mon sale tempérament m'a aidé, demande à ma clique. Clique. On fonce dans le tas, mon TPS dit ce qu'il a à dire et hausse le ton. On t'a pas vu où t'étais, t'as rien à dire, tu te tais. Ou tu fermes ta grande gueule, ou tu gères ton sale caractère. Les doigts de l'eau qui dort, le tsunami est en approche. J'ai trop calme sur le port, je suis prêt à briser dans la roche. Moi je suis un ciseau, frère, j'ai le bon et sale caractère. Mais quand je suis saine, c'est que j'ai fait toutes mes prières. Je suis content quand je vois des gens de loin avec des filles de joie. La populace entière le vent son doigt, direction l'état. J'kiffe le foot, la fête, les filles, le film est fou. Quand je vois des gens, on garde la bouche, m'enrage, la vue du bleu m'accélère le coup. Et vous, c'est pas de la haine, c'est de la rage. Si tu me cherches, fais un carnage. Le monde va en couille, c'est pour ça que je lance des pages. NDP, style of mic, TPS, c'est que du bon. Les autres, c'est que de l'arnaque. Ouais, mon sale caractère, que je me la rage. Que je m'emporte, que je rechigne et que je casse les couilles. A tous ceux qui m'entourent et à toutes celles qui me lèchent les boules. Mon sale caractère, il me bat mon père et ma mère. Et bref, m'arrête là, car ça me fout la mort de toute manière. Les, je démarre au quart de tour. À cause du bruit de la perceuse, t'as le caractère, tu gardes la tour. Dérangé, défoncé, hier j'ai omis de ranger mes affaires mélangées, mal organisé, d'entrée. Sale caractère, jamais content, pas de positive attitude, énervé dès le lever, c'est devenu une habitude. T'es comme une mule, j'aime pas trop la foule ni les villes d'attente. Mon TBS n'a pas le temps d'attendre. N'a pas le temps d'attendre, car la sale habitude de vivre fait qu'on aurait une meilleure attitude si tout allait bien dans notre vie. À peine réveillé et déjà en train de rouler, ça c'est le signe d'une journée pleine de contrariété. Comme des efforts, pas récompensés, une crise de nerfs peut changer en meurtrier. Si c'était à refaire, comme à l'ancienne, je mettrais des clous dans mes poches pendant les fouilles. Des patrouilles, ça part en couille, on se met à courir. Ça énerve quand tu vois les gens t'aiment bien faire les putes. Quand un pote te baisse, fout la mort. Écoute, sympa, pas simple. Comprends simplement qu'on aime être tranquille, s'il te plaît. Souvent au bout, le sale caractère m'empêche d'être au garde à vous. Ok, fou, donc viens pas casser les couilles. J'suis pas fan à des embrouilles, si on me chatouille, c'est la toux. J'suis pas fan à des embrouilles non plus. De la foule des barbouilles non plus. Des ambiances tranquilles, sans toutes ces mouilles de plus. Dédicace à toutes ces salopes qui veulent pas se mouiller. Tu peux avoir raison, mais moi quand j'ai tort, j'ai raison. Alors en plus, si t'as tort, ferme ta gueule, j'ai raison. Parce qu'on a qu'une vie, il faut en profiter, hein. Chacun rêve d'avancer et gagner du terrain. TPS grand rageur, on sort les grands moyens. J'lève mon majeur en l'air à tous les fils de pute qui la font et nous la ferons à l'enfer. C'est TPS mes frères, TPS mon frère, TPS.